Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la raquette à neige, de l'essentielle survie au simple loisir. La raquette, ça coûte rien. On part seul ou en groupe avec des amis, ainsi que le font énormément de gens chaque fin de semaine dans l'Orge. Je les rencontre quand je suis en ski. Ils ont peut-être un petit lunch dans le sac à dos. Alors, ils ne dépensent pas un sou, ils vont respirer du grand air et ils font un véritable exercice puisque la raquette, c'est de la marche, c'est de la randonnée. L'animateur André Hébert, qui fait l'éloge de la raquette à l'émission Présent, le 4 décembre 1968. Si la raquette est devenue aujourd'hui un simple loisir hivernal, il fut un temps où la raquette était vraiment essentielle à la survie. Les Amérindiens utilisaient la raquette depuis déjà longtemps, quand les Européens débarquèrent chez nous. Quelle place occupe la raquette dans notre histoire? Et qu'est-ce qui appartient au mythe et à la réalité? Quand on parle de la place, justement, qu'occupe la raquette dans notre imaginaire collectif? Il me fait grand plaisir de présenter au nom des citoyens de Sherbrooke ces clés, signes, symboles de bienvenue, vous invitant, Monsieur le Président de l'Union américaine, des raquetteurs, de profiter de notre hospitalité. Et j'espère que pendant tout ce congrès qui se déroulera à Sherbrooke, vous serez tout cœur et tout esprit à votre bonheur d'habiter la plus belle ville du pays. Et en même temps, au souci du succès du congrès des raquetteurs. Extrait du film Les Raquetteurs de Michel Brault et Gilles Groulx. On est en 58 à Sherbrooke. Et oui, c'est comme ça. La fanfare y est, le maire y est. Tout le monde est là pour accueillir ce congrès des raquetteurs auquel assistent des Américains. Vous l'avez entendu dans cet extrait. Pour retracer la petite histoire de la raquette chez nous, mon invité est Luc-Nicole Labrie, historien et coordonnateur à la médiation historique pour la Commission des champs de bataille nationaux à Québec. Luc-Nicole Labrie, bonjour. Bonjour. À quand ça remonte, cette histoire? L'existence de la raquette, là, est-ce qu'on peut dater ça d'une façon ou d'une autre, Luc-Nicole Labrie? C'est extrêmement difficile. Les gens qui surveillent les recherches sur la raquette vont vouloir trouver l'objet, celui qui sera le plus vieux. Semble-t-il qu'on l'a trouvé, même assez récemment. On l'aurait trouvé l'an dernier. Ah bon? En Italie, dans les Dolomites, donc une chaîne de montagnes dans le nord-est de l'Italie. On daterait là, ces raquettes-là d'environ 3600, grosso modo, ans avant Jésus-Christ. Oui. Donc, on parle d'un très vieux modèle de raquette, c'est dans les montagnes. On parle d'un cadre de bois, bien entendu, mais tout ça, en fait, ça nous fait dire est-ce que c'est vraiment la première fois qu'on utilisait des raquettes? Vraisemblablement que non. Oui. C'est la preuve matérielle la plus ancienne qu'on a, mais on pense que ça remonte à plus loin que ça encore. Oui, oui, certainement, parce qu'il va y avoir, en fait, des mécanismes équivalents. Appelons ça une sorte de raquette ou une chaussure à neige, parce que vraiment, la raquette, et on pourrait y revenir, avec le tressé en babiche ou en fait en boyau, en fait, en peu importe la matière, c'est pas le seul objet qu'on va utiliser pour se déplacer sur la neige. Hein. C'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'en Europe, et notamment dans le nord de l'Europe et même en Europe centrale, il va y avoir un autre objet qu'on va utiliser un peu plus, notamment pour les grandes plaines ou pour les montagnes, et ce sera le ski, qui va connaître un développement un peu plus, je vais dire, rapide de ce côté-là de l'océan Atlantique. En fait, la Scandinavie, par exemple, qui ressemble un petit peu, là, toute chose étant relative à notre environnement, va être beaucoup plus ski que raquette. Exactement, va être beaucoup plus ski que raquette. Ça s'explique à cause des quantités de neige tombée, des montagnes. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Hein. Le but de ces objets-là, c'est de se déplacer le plus efficacement possible dans des conditions hivernales. Si vous êtes en mesure de skier, donc si vous avez des forêts qui sont plus clairsemées, vous avez des belles montagnes, ben le ski risque d'aller beaucoup plus vite pour vous déplacer que la simple raquette. Donc ça explique en partie ce développement-là. Comment la raquette est arrivée ici? On sait que c'est des Amérindiens donc qui avaient la raquette, sauf que ces Amérindiens-là, comment est-ce qu'ils sont arrivés? On sait qu'une des théories les plus intéressantes serait qu'ils auraient traversé notamment le détroit de Bering. En raquette? En raquette probablement, ou du moins en souliers à neige encore une fois. Hein? Ouais. Genre, on met un bémol sur à savoir exactement quel était l'objet. Mais donc, on avait certainement des cette sorte de chaussures, ou en fait, parce qu'on pouvait utiliser, par exemple, des morceaux d'écorce, des morceaux de bois, ouais, qu'on allait s'attacher sous les pieds, sous nos bottines, ou en fait, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un mocassin. Et, qui est un peu, de fait, entre la raquette et le ski. Là, on peut voir l'image de l'écorce arrondie, assez longue. Ouais. Qui nous fait une chaussure mi-raquette, mi-ski. Exactement. Et ce serait un peu ces premiers modèles-là, du moins, qu'on est capable d'imaginer, qu'on a utilisé pendant, en fait, de nombreuses années. Donc, à quelle année exactement on remonte? Il y a des chercheurs qui sont penchés sur cette question-là de façon très attentive. Il y en a qui parlent de 4000 ans, 6000 ans, 8000 ans avant Jésus-Christ. Donc, définitivement, c'est un objet qui est très vieux. Ouais. Et quand les Français débarquent en Amérique, vous l'avez déjà signalé, évidemment, la raquette, elle existe, parce que les Amérindiens, ils sont ici depuis longtemps. On écoute, puis il y a un petit peu de confusion autour de ça. On écoute Max Gros-Louis répondre aux questions de Nicole Capp. Vous allez voir, c'est assez amusant, à l'émission Présent Dimanche, en janvier 1968. Mais la raquette, définitivement, a toujours été utilisée par les Indiens. Vu la température changeante et les saisons, ayant beaucoup de neige dans les alentours du Québec ou même en Ontario, les Indiens ont toujours utilisé les raquettes comme moyen de transport. Mais quand les Français sont arrivés au pays, ici au Canada, est-ce que c'est eux qui ont apporté la raquette ou c'est les Indiens qui l'utilisaient là-bas? Oh non, les Français connaissaient pas ça, de la raquette. Ils ont certainement été obligés d'adapter aussi la raquette s'ils voulaient voyager, surtout l'hiver, hein. Ah, Max Gros-Louis qui, bien amicalement, ouais, remet un peu le pendule à l'heure. C'est vrai qu'il y a un peu de confusion, mais c'est clair, c'est pas les Français qui amènent la raquette, non, au Canada. Nicole Labrie, elle est là, elle fait partie du mode de vie des Amérindiens depuis longtemps. Oui, et même les premiers observateurs, que ce soit Cartier, là on est au 16e siècle, mais même Samuel de Champlain, l'observe très rapidement. Champlain va dire, là, c'est un de ses premiers voyages, il dit « L'hiver, quand les neiges sont grandes, ils, en parlant des Amérindiens, font une manière de raquettes qui sont grandes, deux ou trois fois plus que celles de France, qu'ils attachent à leurs pieds et vont ainsi dans la neige sans enfoncer, car autrement, ils ne pourraient chasser ni aller en beaucoup de lieux. Mmh. Quand il parle de celles de France, et c'est là que c'est intéressant, c'est la raquette du jeu de paume auquel il fait référence. Et c'est cette raquette-là, en fait, qui, d'une certaine façon, donne son nom à la raquette que les Français vont observer ici. C'est un peu le même principe, donc une espèce de cadre de bois avec un intérieur, qui est tressé. C'est pour ça qu'on fait la référence à celle de France. Donc, ce serait à Champlain. Les Français n'ont pas inventé la raquette qui nous permet de marcher, mais Champlain aurait inventé, au fond, l'origine du nom raquette. Peut-être. Vient de cette analogie que vous avez rappelée. Quel usage ils en font, les Amérindiens, de la raquette? C'est la base de leur déplacement en hiver. Donc, comment est-ce que les Amérindiens se déplacent? Pourquoi ils en ont besoin? Imaginez tous les déplacements qui sont nécessaires pour eux. Ça veut dire aller chercher du bois, aller chasser, faire de la trappe, tous les déplacements qui sont nécessaires vont être faits en raquette. Cependant, la raquette, soyons honnêtes, c'est pas la meilleure façon de couvrir de très grandes distances. Et Dieu sait qu'en Amérique, les distances sont grandes. Ouais. Surtout avec les groupes, les nations amérindiennes à ce moment-là, il y en a certaines qui sont toujours des nations qui sont nomades. Et c'est pour ça que souvent, l'hiver, on s'installe à un endroit, par exemple, et que la saison suivante ou l'année suivante, on réussira pas à retrouver les mêmes nations aux mêmes endroits. Mais durant cette période d'hivernement, et pour les nations sédentaires, ça veut dire vraiment, là, tous les usages que vous pouvez penser, dès qu'on a de la neige, on sort les raquettes. C'est essentiel. Et ils sont évidemment très conscients du climat qui change. Les hivers sont longs et ça fluctue. Donc, il y a différents types de raquettes qu'on utilise selon les circonstances. Selon les circonstances, parfois certaines nations amérindiennes, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier, c'est eux qui ont donné cette raquette-là aux Français. Donc, certaines nations vont avoir plus qu'un type de raquette. Mais généralement, une nation est installée dans un endroit, donc a un type de raquette plus précis. Comme par exemple, dans la vallée du Saint-Laurent, on a cette raquette. J'allais dire la raquette forme goutte d'eau un peu pour essayer d'être le plus visuel possible. Donc, le nez un peu plus arrondi, c'est des raquettes qui faisaient, par exemple, deux pieds et demi, trois pieds de long, qui avaient une queue à l'arrière. Celle qu'on voit tout de suite quand on pense à la raquette traditionnelle à neige, c'est celle qu'on voit tout de suite. Ouais. Donc ça, généralement, vallée du Saint-Laurent, ça faisait du sens parce qu'on a des distances qui sont parfois un peu longues à couvrir. Donc, la queue nous aide aide à rester droit. Mais cependant, on a une belle forme. Donc, avec les grandes accumulations de neige, on permet, avec cette grande surface-là, de pouvoir ne pas s'enfoncer dans la neige. Ouais. C'est ça l'objectif. À la différence des nations, par exemple, plus au nord, qui ont moins d'accumulations de neige, un sol beaucoup plus dur, ou qui ont à vivre dans les montagnes, qui vont avoir des raquettes de type alaskan, qu'on appelle encore aujourd'hui lance ou ski. Donc, sont tous des synonymes qu'on utilise à l'heure actuelle, bien sûr. Donc, mais on parle de raquettes qui peuvent être beaucoup plus longues, jusqu'à presque 5 pieds de long, mais là, qui ont une pointe à l'avant et une pointe à l'arrière, qui ressemblent beaucoup plus à des skis, mais qui permettent de glisser sur cette neige dure. Puis les nations de l'Est, où, par exemple, on va avoir des accumulations de neige très importantes, mais surtout avec des forêts de conifères. Donc, la neige, souvent, n'est pas balayée par le vent, n'est pas tapée. Donc, ça nous prend des raquettes qui sont beaucoup plus grosses, qui vont ressembler à, si je dis encore une fois, la patte d'ours. Il y a beaucoup de gens qui vont savoir à quoi je fais référence. Donc, une raquette beaucoup plus arrondi. Et encore là, ça, c'est la forme, mais aussi les différences de tressage. Donc, par exemple, une neige qui ne sera pas très mouilleuse, on va utiliser un tressage très serré parce qu'on ne veut pas caler, donc s'enfoncer dans la neige, mais une neige qui peut être très mouilleuse sur le bord des cours d'eau, on va prendre un tressage plus large pour que cette neige-là, si elle vient par-dessus la raquette, elle puisse passer en dessous. Donc, il y a vraiment une adaptation selon les nations et selon le lieu où on se trouve. Ouais, c'est très important. Tout un art, toute une connaissance qui va se développer autour de la raquette. Les Français vont quand même, donc, quand ils arrivent, voir ces Amérindiens mieux circuler qu'eux grâce à leur raquette. Ils vont adopter la raquette. Dans quelle mesure l'usage de la raquette va être important chez ces colons qui arrivent en Nouvelle-France? C'est essentiel. On est à la fin du 17e siècle. Je vais dire, c'est comme une première... Il y a une première ébullition autour de la raquette qui s'explique de deux façons. De un, on est à la fin du 17e siècle, donc là, on commence à avoir des centres de peuplement qui sont un peu mieux établis qu'au début du 17e siècle. Donc, on commence à avoir des habitudes, on commence à s'être à ne plus seulement que survivre à l'hiver, mais vivre en hiver. C'est le baron de La Hontan, on est au milieu des années 1880, qui explique que même dans les îles de Boucherville, ou en fait près à Boucherville, près de Montréal, pour le simple fait de se déplacer, de se rendre à la messe le dimanche, les colons, les habitants vont porter des raquettes. Ouais. Donc, ça nous donne une idée que c'est dans la vie quotidienne. Mais il y a aussi un autre aspect, qui est l'aspect des déplacements à longue durée. Et probablement que si on parle de raquettes à neige, pour beaucoup de gens, aujourd'hui, la première image que les gens ont, c'est soit la personne qui en fait à l'heure actuelle, mais si je lui dis non, la raquette traditionnelle, ils ont deux choix. Soit ils vont voir l'Amérindien avec sa raquette traditionnelle, ou l'autre personnage qu'ils vont voir, c'est le mythique coureur des bois. Ouais. Donc, qui, bien entendu, utilise aussi la raquette. Mais il ne faut pas oublier une chose. La course, la traite des fourrures, c'est quelque chose qui va se développer. Oui, certainement, il y en a un peu dans la première moitié du 17e siècle, mais ça se développe beaucoup dans la deuxième moitié du 17e siècle. Puis même, là, les autorités coloniales vont être, par moments, plus ou moins favorables à ce commerce-là. Mais ce commerce-là se dirige, je vais dire, dans deux directions. Les Grands Lacs et ce qu'on appelle les pays d'en haut, donc à partir du Détroit et de Fort Michilimackinac, mais aussi la baie du Tisson. Oui. Essentiellement, les coureurs des bois préfèrent se déplacer l'été. Oui, bien sûr. Parce qu'on utilise des canots. Ouais. Mais l'hiver, souvent, on est dans les forts, on est avec les Amérindiens, et là, on utilise énormément la raquette. Et bien entendu, il va même y avoir des exemples de ces coureurs des bois qui vont utiliser la raquette pour se déplacer l'hiver, pour même essayer d'aller entrer dans ce jeu très compétitif qui s'installe, je veux dire, dans les derniers 15 ans du 17e siècle, alors que là, il y a une guerre qui est un peu en suspens entre la France et l'Angleterre, et surtout, le contrôle des terres à fourrure est vraiment, c'est vraiment contesté de part et d'autre, donc ça va devenir important. Une utilisation assez répandue chez les Amérindiens, chez les colons français qui débarquent aussi, mais avec ce bémol, en fait, que bien sûr, il y a deux bémols, en fait, un dont on n'a pas parlé, en ville. Il y a peu de grandes villes, il n'y a pas de grandes villes, mais quand même, quand on est à Montréal ou Québec, on n'utilise pas la raquette. Il y a ce premier bémol-là. Puis le deuxième bémol, vous faites bien de le rappeler, c'est que, bien sûr, elle est utilisée, la raquette, mais l'hiver, ça reste quand même une saison morte. Oui. Au début de la colonie, il y a même des gens qui ne passe pas l'hiver ici. Exact. Donc, oui, on utilise la raquette, mais le gros des activités, coureurs des bois inclus, ça se fait l'été. Ça se fait les grands déplacements. Ouais. Et il ne faut pas oublier ça. Hein, c'est la raquette sert à se déplacer, à faciliter les déplacements. C'est pour ça qu'il y a cette image très héroïque, mais il ne faut pas oublier, je veux dire, l'image de la vie quotidienne. Et je veux dire, c'est là que la raquette brille. C'est pour ça qu'on a réussi à s'adapter. C'est parce que les colons français et les habitants ont réussi à adopter le mocassin, la raquette, mais aussi la traîne, et en fait un certain nombre d'autres, je vais dire, modes de vie que les Amérindiens avaient développés en grande majorité, et c'est ça qui a permis de survivre. Mm-hmm. Et c'est là que la raquette brille, c'est dans cette survie quotidienne, aller chercher du bois, aller faire la trappe au petit gibier pour pouvoir se nourrir, et c'est là qu'on en a besoin. Autre élément intéressant qu'on connaît moins, la raquette va devenir une espèce d'arme de guerre. Ouais. Exact. C'est en effet, on le connaît moins. Ça, c'est vrai. Vous vous rappelez, je vous parlais il y a quelques instants de cette ère de contestation des terres à fourrure. Ça commence là. Et c'est intéressant. C'est là qu'on voit une première grosse différence dans l'utilisation de la raquette entre les colons français et les colons britanniques. Les Britanniques adoptent la raquette, je vais dire, ils vont l'adopter. Au milieu du 18e siècle, je vais dire, c'est pratiquement de l'acquis au moment de la conquête. Ouais. Mais jusqu'au début du 18e siècle, donc durant toutes les années 1600, les Britanniques utilisent à peu près pas la raquette. Ils en sont même très surpris. C'est ce qui va permettre à des partis français, dans cette période de contestation-là, de pouvoir surprendre des Britanniques. Et ça, c'est vrai autant dans la baie du Tson que vers l'Acadie, où on fait la frontière entre l'Acadie et la Nouvelle-Angleterre, et même vers le nord de la colonie de New York, comme à Schenectady, donc où justement, il va y avoir des raids. Et souvent, ce qui arrive, c'est que les partis de Canadiens et d'Amérindiens arrivent dans un village ou dans un petit établissement, vont détruire l'établissement, vont le brûler, vont faire des prisonniers, vont sauver, et les Britanniques sont pas capables d'en courir après parce qu'il y a de la neige et qu'ils n'ont pas de raquettes ou qu'ils les ont pas adoptées. Donc, on a ces exemples-là jusqu'en 1704, même, là, c'est du côté de Deerfield au Massachusetts. C'est les autorités britanniques qui sont un peu consternées de voir qu'eux n'ont pas de raquettes, ouais. Donc n'ont pas pu poursuivre ces Canadiens-là dans la neige alors qu'eux se sont sauvés très facilement. Au 19e siècle, l'usage de la raquette devient moins utilitaire. Hein? Le réseau routier s'est développé, entre autres. Ça se transforme graduellement en activité sociale, en activité sportive. Il y a des clubs de raquettes qui commencent à être créés. Quand est-ce qu'ils commencent à apparaître, ces clubs-là? Puis qu'est-ce que c'est que ces clubs, au fond? Ça va. C'est très intéressant ce qui se passe parce que on passe, donc avec la conquête, bien entendu, il va y avoir une période un peu plus tranquille. Mais comme je vous dis, pour la majorité de la population, il faut jamais oublier une chose. Hein? Le changement de régime, eux, ils sont en mode survie. Que ce soit été comme hiver, ça veut dire qu'il faut cultiver le champ et l'hiver, ben, il faut se déplacer pour aller chercher le bois de chauffage. L'utilisation de la raquette va perdurer là-dedans. Avec le 19e siècle, développement de certains modes de transport qui vont améliorer les déplacements, donc les routes vont s'améliorer, la circulation navale va s'améliorer sur le fleuve, notamment de Québec et Montréal. Rapidement, il va y avoir, en fait, avec, je vais dire, l'évolution du système, appelons ça pré-capitaliste ou capitaliste qui s'installe dans les colonies, donc de ce commerce là qui s'installe, il va y avoir une classe sociale qui se développe et qui commence à avoir un peu plus de moyens, un peu plus de temps. Et parmi toutes les activités que ces gens-là vont faire, et ça, c'est pas pour dire que les gens qui n'ont pas de moyens n'ont pas d'activités de loisirs, bien au contraire. Mais une des activités qui va aller, je vais dire, se développer chez les gens qui ont du temps, c'est ces clubs de raquettes-là. On est dans les années 1840. À Montréal, c'est le premier club de raquettes du Québec va être fondé ici à Montréal. C'est le Montreal Snowshoe Club. Officiellement, on sait que dès 1840, les gens se regroupaient, mais on met s'il faut mettre une année, on peut aller vers 1843. C'est là qu'on a des vrais, je vais dire, statuts, vraies réunions qui ont été, mais on sait qu'ils se réunissaient avant ça. Et ça suit 2 ans plus tard à Québec, avec le Québec Snowshoe Club. Donc, on est en 1840. C'est qui les gens qui font ça? Ben, d'abord, il y a des militaires. Eux sont habitués. La raquette continue de faire partie des mœurs des militaires. Et ça, depuis la conquête, ça va faire 80 ans là, que la conquête s'est passée en 1840, mais c'est encore dans les mœurs. On s'entraîne encore avec les raquettes l'hiver. Chez les bourgeois qui vont s'intéresser à ça, c'est un peu cette influence-là qu'ils vont voir, mais c'est aussi des moyens de se déplacer, puis c'est aussi des moyens de se rencontrer. Oui. Et le club de raquettes va, je vais dire, tenir un mandat qui est double. D'un côté, il va y avoir l'aspect peut-être militaire de mise en forme, hein, parce que, ça va venir surtout avec la fin du 19e siècle, donc les décennies plus tard, avec un courant qu'on appelle le mouvement hygiéniste, où on veut pratiquer ce qu'on appellerait aujourd'hui des saines habitudes de vie, un esprit sain dans un corps sain, tout ce genre de petits. Donc, les clubs de raquettes, ça rentre directement dans cette préoccupation-là. Mais de l'autre côté, c'est le club social. Ouais. Se rencontrer, fraterniser et rencontrer des gens de notre groupe, de notre environnement. À avec des avec ce besoin entre clubs, d'abord il y a des compétitions, ouais. Hein, on se coltaille entre clubs, mais on veut se distinguer aussi. Ben oui. Comment on fait ça? Ah ben ça c'est d'abord, je dirais l'habillement. Oui. On va utiliser il y a un habit traditionnel qu'on utilise, c'est l'habit des voyageurs comme on les appelle, donc ces espèces de commis commerciaux du début du 19e siècle qui prennent un peu le relais des coureurs des bois. Donc on porte un gros capot de laine, c'est de l'étoffe du pays, qui est aux couleurs du club, donc identifié, soit en blanc, gris, et on met une ligne de couleur. Donc chaque club a sa couleur, chaque club a une ceinture fléchée, comme les voyageurs utilisaient, et on a une tuque, et bien sûr, on va avoir des chansons, on va avoir de la musique qu'on va jouer, donc on sort faire une promenade, c'est une procession, et chaque club va être facilement identifié. Et ces belles années, cet âge d'or de la raquette, c'est quoi, 1880, 1910 à peu près, ça va continuer au 20e siècle, mais évidemment, il y a d'autres sports, le hockey, la vie va changer, les sports vont se multiplier, les sports d'hiver, et la raquette va vivre tranquillement une forme de déclin. Qu'est-ce qui fait que les gens, comme vous dites, semblent revenir à la raquette? Le sport de la raquette est un sport de délassement où tout le corps y prend part. Et il n'est pas violent. Il y a aussi un autre point de vue. C'est que c'est un sport qui se pratique beaucoup en groupe. Alors, on peut partir 5, 6, 6, 7, on se maintient ensemble. On parle, on chante, on fume. Alors, je ne sais pas, c'est un délassement absolument tellement sain et tellement agréable. On dirait qu'à part de ça, que les gens aujourd'hui cherchent aussi à avoir un sport qui n'est pas trop dispendieux. Et ça coûte pas cher faire la raquette? Bien, voici, on peut s'enclairer avec 25-30 piastres, si ça se limite simplement à la paire de raquettes et des mocassins. Sur la valse des racketteurs interprétée à l'accordéon par Tommy Duchesne, on entendait Raoul Charbonneau vanter les mérites de la raquette au micro de Raymond Charrette à l'émission Temps libre en 1970. Monsieur Charbonneau qui voulait un peu relancer cet engouement pour la raquette parce qu'il va s'essouffler au cours du 20e siècle. Mais dans les dernières années, Luc-Nicole Labrie, on assiste à un retour de la raquette. Pourquoi? Ben, je pense que malgré tout, en fait, l'aspect on sort, c'est facile et on fume, je pense qu'il y a vraiment cette volonté-là d'avoir un sport d'hiver qui est accessible. Et la raquette, contrairement à bien d'autres sports d'hiver, c'est vrai que c'est accessible. Ce que vous avez essentiellement besoin, c'est un chemin ou un champ. Et vous pouvez pratiquer la raquette. Plus facile aussi à pratiquer avec les nouvelles raquettes, la nouvelle technologie qu'à l'époque. Ça aide énormément. Ah oui, beaucoup plus légère, beaucoup plus petite. Et c'est ce qui a ramené des gens vers la raquette. Hein. Ouais. Il faut pas oublier aussi pourquoi la raquette a décliné. Dans les années 1880, on disait que la raquette, c'était le sport des jeunes. Ça a été le sport d'une génération. Et au début du 20e siècle, vous l'avez bien dit, Jacques, c'est en fait les nouveaux sports qui arrivent et qui prennent cette popularité-là. Dans les années 60, c'est encore nos pères et nos grands-pères, en 1960, qui pratiquaient la raquette. Un sport de vieux. C'est devenu un sport de vieux. C'est devenu un sport de vieux. Donc, quand on faisait ces efforts-là, c'était exactement ce qu'on essayait d'aller faire, convaincre des jeunes ou en fait convaincre des nouvelles générations de s'y intéresser. Luc-Nicole Labrie, historien, coordonnateur à la médiation historique pour la Commission des champs de bataille nationaux à Québec. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. De plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Guy Charbonneau. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.